de Sanara à Buéa. L'annonce de l'hôtesse de l'hermetière de Massonnelance. Nous commençons notre descente sur Douala. Veuillez... Le reste de l'annonce se perd dans le brouhaha habituel lors de l'atterrissage d'un avion en Afrique. Malgré tant de vols sur les compagnies locales, je suis toujours étonné, mais Nathalie, elle est carrément stupéfaite. Au lieu de rester sagement assis jusqu'à l'arrêt complet de l'appareil, tous les passagers se sont levés et récupèrent leurs bagages à main dans les coffres à bagages. C'est une joyeuse pagaille avec une hôtesse qui s'époumonne pour faire asseoir tout le monde. Nathalie me secoue le bras, se penche à mon oreille. C'est toujours comme ça. Oui, à chaque fois. Pour eux, l'avion n'est rien d'autre qu'un bus volant et ils se préparent à descendre au prochain arrêt. Nathalie n'en revient toujours pas. Et il n'y a jamais d'accident. J'en regrette de ne pas avoir d'appareil photo sous la main. La mine ébahie de Nathalie est du dernier comique. Si, et ils sont même assez fréquents. Il est très difficile de rester debout lorsqu'un avion touche le sol et met full reverse. Alors, de temps en temps, il y a une jambe ou un bras cassé. Cette fois, tout se passe bien. Tous les passagers se sont assis très sagement avec leurs bagages sur les genoux juste avant l'atterrissage. C'est une chaleur étouffante qui nous attend dans le hall de l'aéroport et l'air est si épais que l'on a immédiatement l'impression d'y être englué. Un vrai sauna. En une fraction de seconde, nous sommes couverts de sueur de la tête aux pieds. Adieu, la chaleur sèche du Tchad. Bonjour, la gluante moiteur de Douala. J'avais expliqué à Nathalie ce qui nous attendait dans cette région du globe où il pleut plus de 8 mètres d'eau par an. Je le lui avais expliqué, mais elle ne pouvait l'imaginer. Il fallait qu'elle y soit confrontée pour comprendre. Elle louche avec désespoir sur la goutte de sueur qui perle au bout de son nez. Et moi qui croyais que les Everglades étaient, et de très loin, l'endroit le plus humide de toute la planète. Pour l'heure, je cherche le cicérone dépêché par l'ambassade US. Il n'était pas bien loin. J'entends juste derrière moi. « Miss Laughlin, James Delaney, US Embassy. » Je me retourne pour apercevoir Nathalie flanquée d'une espèce de géant noir que l'on dirait sorti tout droit d'un concours de bodybuilding. Au moindre mouvement brusque, ses 100 kilos de muscles menacent de faire craquer les coutures de sa chemise. Il me tend une énorme patte. « Miss Doreen, I presume. » Il passe en transition au français, un français matiné d'un accent américain aux consonances inhabituelles. J'apprendrai plus tard qu'il est de la Nouvelle-Orléans. « Je suis votre chauffeur. C'est moi qui vais vous conduire à Buéa et qui vous accompagnerai pendant les 2 jours de votre mission. Vos passeports et vos ordres de mission, please. Attendez-moi là, je ne serai pas long. » Nous lui tendons les documents et il s'éloigne vers les guichets de police. Contrairement au Tchad, nous ne séjournerons pas sur la plantation, bien trop éloignés des 2 seuls points dont Nathalie doit faire les relevés. Nous ferons étape à Buéa, une petite ville sur les flancs du mont Cameroun, à environ 70 km à l'ouest de Douala. Avantage de cette villégiature, l'agglomération de près de 100 000 habitants est à 1000 mètres d'altitude et il y fait beaucoup plus frais que dans le chaudron de Douala. James revient vers nous. Effectivement, il a été très rapide. Il nous rend nos documents de voyage. Allons-y. Vos bagages et le matériel sont en train d'être chargés dans le Toyota. On a environ 2 heures de route. Nous lui emboîtons le pas et passons un portillon à droite des guichets auxquels tous les autres passagers font la queue. Sur un geste de James, le cerbère à la mine patibulaire qui garde ses tissus VIP, nous laisse passer sans un mot et sans nous demander de présenter nos passeports. Si j'ose dire, James doit être connu comme le loup blanc. Il y a foule dans le hall, mais avec James qui nous précède, les gens s'écartent sur notre passage comme l'océan s'ouvre sous l'étrave d'un navire. Je finis cependant par me rendre compte que ce n'est pas au passage de James que la foule s'écarte, mais plutôt au passage de Nathalie qui le suit. Sa haute silhouette élancée, sa splendide crinière blonde, sont le point de mire de dizaines de paires d'yeux. D'ordinaire, une foule africaine est plus que bruyante et celle-ci ne fait pas exception à la règle. Sauf qu'en même temps que les gens s'écartent sur le passage de Nathalie, ils en oublient de parler. C'est une bulle de silence qui avance. Nous arrivons sur le trottoir où nous sommes cueillis de plein fouet par le soleil qui a passé son zénith. Le Land Cruiser est là, garé le long du trottoir. Le policier qui en assure la garde nous gratifie d'un salut ostentatoire. C'est bien la première fois que je viens à Douala et que j'y ai droit aux honneurs. Je dirais plutôt qu'à cette escale, je n'entretiens pas vraiment de bons rapports avec la police. Je me suis longtemps demandé ce que me valait toute cette tracasserie, jusqu'à ce que quelqu'un m'explique que c'était le lot commun de tous les Blancs. Bien davantage que d'autres pays d'Afrique, Le Cameroun, ancienne colonie allemande, n'en garde pas un excellent souvenir, pas plus que des Français d'ailleurs, et cela se ressent dès qu'on y pose le pied. Si à la lumière de l'histoire je peux comprendre cette animosité, ce n'est pas pour autant que je l'apprécie. Aujourd'hui, avec Nathalie, nous avons même droit à des sourires et à des murmures admiratifs. Nathalie, la fée irlandaise, la faiseuse de miracles. James ouvre la portière arrière et, j'en étais sûr, Nathalie va ouvrir celle du coffre. Depuis le début de notre périple africain, je ne l'ai encore jamais vu oublier de vérifier son matériel à chaque transbordement. Tout est OK. Nous embarquons et James démarre. Il est près de 15 heures. Nathalie ne va rien voir du trajet jusqu'à Buéa. C'est heureux, car la circulation sur cette route est démentielle, non tant par sa densité que par la difficulté qu'il y a d'y rester en vie. Camions qui roulent à tombeau ouvert avec des chargements invraisemblables et qui doublent systématiquement haut des côtes. Taxi-brousses qui font la course à trois de front pour être le premier au prochain arrêt à faire le plein de clients, etc. La tête appuyée sur mon épaule, Nathalie dort comme un bébé. Il est vrai que la fin de notre séjour à la SST n'a pas été de tout repos. Les embardées que James est obligé de faire pour éviter les véhicules qui, pour certains, roulent complètement à gauche, ne la réveillent pas, et je dois la prendre contre moi pour qu'elle ne glisse pas de la banquette dans son sommeil. Je passe un bras autour de ses épaules, le contact de son corps, la soie de ses cheveux, son odeur. Je ferme les yeux, et mon esprit part vagabonder dans les souvenirs de notre dernière soirée tchadienne avec Sylvie et Bertrand. Le matin du dernier jour à Sanara, dans la cuisine de la grande case. Le petit déjeuner a comme toujours été un moment de pur plaisir. Nathalie s'est appliquée pour que ce soit une petite fête. Les œufs brouillés au bacon avec des toasts grillés à point. Le tout arrosé d'un café qui dit tout des progrès de Nathalie dans ce domaine. Je me souviens de notre premier petit déjeuner en amoureux. Avec un homme dont la grand-mère était italienne, j'ai peut-être intérêt à perfectionner ma technique. Ma mémique l'avait interpellée. Quoi, c'est si mauvais que ça? Non, pas vraiment. Et pour une Américaine, c'est même un excellent café. Elle aurait pu être vexée de ma répartie, elle en avait ri. Promis, je vais tout faire pour m'améliorer, je suis sûr que j'arriverai à te surprendre. Effectivement, elle me surprend. À la première gorgée, je mesure les progrès accomplis en quelques mois. Elle incline la tête. Pourquoi souris-tu? Parce qu'avec toi, on apprend vite à rester modeste. Ce café est délicieux. Ses fossettes se creusent avec un sourire ravi. Merci. Tu n'imagines pas combien il est difficile de percer les secrets des lungo et autres ristretto. Comme souvent, elle termine assise sur mes genoux, mais aujourd'hui quelque chose la préoccupe et je ne tarde pas à savoir quoi. Sais-tu ce qu'est un capitaine? Ça peut être bien les choses. Là, je parie que tu parles du poisson. Ah, c'est donc un poisson. Hier au club, j'ai entendu le chef dire qu'il en avait reçu trois gros et un petit. Je n'y ai pas pris garde sur le moment. Elle pose le bout de son index droit sur sa lèvre. Je suis assez doué pour cuisiner le poisson et j'aimerais faire une surprise aux deux Valois. Mais ce sont eux qui nous invitent ce soir. Elle incline la tête sur son épaule. Elle sait bien que ça me fait craquer. Il est encore temps d'arranger ça. Je la fais glisser doucement de mes genoux. Ok, on va dans l'ordre. S'assurer qu'il reste bien du capitaine dans les frigos du chef et appeler les deux Valois. La réponse du chef et celle des deux Valois étant positive, je rappelle le club pour qu'on nous prépare la liste de Nathalie. Beaucoup moins de monde aujourd'hui à la piscine. Il est vrai que la petite fête d'hier soir a fait des victimes. Le temps de faire quelques longueurs, de nous sécher au soleil, déjeuner rapidement et nous sommes de retour à la grande case avec nos emplettes. Nathalie se charge elle-même du rangement, frigo et placard, puis une douche, le canapé et une grosse sieste. Nous nous mettons au fourneau à 17 heures. Nathalie a bien voulu m'accepter comme assistant. Elle a fouillé à peu près dans tous les placards de la maison et je dois dire que la table qu'elle a dressée est une réussite. Une douce musique d'ambiance et les bougies pour seul éclairage. Tout est parfait. 5 minutes avant l'arrivée de nos amis, douchés de frais et changés, nous nous laissons aller dans le canapé du séjour. Nathalie a tenu à ce que nous soyons habillés le plus simplement possible. Elle a choisi une robe en jean sans manches et à mon avis plus que courte. C'est elle aussi qui a choisi pour moi, jean et chemise blanche. Un discret toc-toc à la porte, je vais ouvrir. Elle-même, précédée par une splendide composition d'orchidées, Sylvie précède Bertrand. Je parierais qu'elles se sont donné le mot. À part le fait qu'elle est en coton blanc très léger, la robe de Sylvie a la même coupe. et la même longueur que celle de Nathalie. Un hasard, vraiment. Les deux amis s'étreignent et s'embrassent. Ces orchidées sont magnifiques. C'est la passion de Bertrand. Je lui ai déjà dit qu'il devrait créer une exploitation horticole au lieu d'aller travailler dans un bureau à l'INRA. Le champagne a été parfait et tout le monde s'est extasié devant les filets de capitaine au four et au curry servis avec de petits légumes et une timbale de riz. Dois-je le préciser? Ce délicieux poisson était accompagné d'un pouilly fumé dont je me demande encore par quel incroyable miracle il se retrouve sur notre table au fin fond du Tchad. Je crois que si Sylvie osait, elle lècherait bien son assiette. Elle se tourne vers moi, les yeux encore brillants du feu d'artifice qui vient d'exploser nos papilles. Y a-t-il quelque chose qu'elle ne sache faire? C'est Nathalie qui lui répond. Oui, le bricolage. Je suis nul en bricolage. Rire de Bertrand. Enfin un domaine où Nathalie est nulle. Toujours un peu gênée lorsqu'on fait l'éloge de ses talents, Nathalie coupe court à sa manière. Elle se lève et tape dans ses mains. Allez, pour le dessert, tout le monde au salon. Le fondant au chocolat est à tomber, et le champagne ne paraît encore meilleur qu'à l'apéritif. Les hommes ont laissé le canapé aux dames et, comme cela était prévisible, les conversations divergent. Bertrand et moi échangeons quelques idées sur les projets professionnels du couple. Tout naturellement, je me tourne donc vers Nathalie pour lui demander une précision sur les recherches hydroponiques de la NASA. Au premier coup d'œil, je me rends compte que ces dames doivent parler de toute autre chose et que leur échange donne plutôt dans l'émotion. D'un délicat geste du pouce, Nathalie essuie de petites larmes sur les joues de Sylvie. Inquiet, Bertrand s'enquiert. Sylvie, quelque chose ne va pas. Le sourire que Sylvie adresse à son mari est celui d'une femme heureuse, mais très émue. Non, Bertrand, au contraire, tout va très bien. Je remerciais juste Nathalie de nous avoir soutenus avec Jean dans un moment particulièrement difficile. Elle fait cette moue adorable qui n'appartient qu'à elle. La poudre de Michel nous a certes beaucoup aidés, mais Patrice nous l'avait bien dit. Un antidépresseur, quel qu'il soit, n'est jamais qu'une canne qui vous aide à avancer. Si l'on veut guérir, il faut fuir l'environnement qui provoque le traumatisme. Elle tend la main par-dessus la table basse pour prendre celle de son mari. Et c'est Jean et Nathalie qui ont éliminé les causes de notre mal-être. Son regard va de Nathalie à moi. Nous vous devons tant. Nous en étions à nous demander si nous n'étions pas vraiment les pervers dont on nous avait collé l'étiquette. Vous savez, vivre ce genre de situation, c'est comme se balader avec une étoile jaune. Nathalie fronce les sourcils. Émotion trop forte, ou indignation rétrospective, les deux sans doute. Jesus, qu'y a-t-il donc de pervers à faire l'amour? Mais, Nathalie, nous étions quatre. Même connaissant son naturel et l'absence totale de tabou sexuel chez Nat, je ne m'attendais pas à cette réponse. Et alors, combien même vous auriez été six? Votre sexualité ne regarde que vous. Et dans la mesure où vous n'enfreignez pas la loi, vous avez parfaitement le droit de la vivre sans entrave. Que tous ces pères la morale et ces mères la vertu aillent se faire voir, et je reste poli. Énervé, il enfonce le clou. Celui qui me dira avec qui et comment je peux faire l'amour n'est pas encore né. Et avec un petit sourire en coin, comme si elle se rappelait une bonne blague. D'ailleurs, je crois que l'aumônier du campus de Rochester se souviendra longtemps de moi. Je lui connais ce visage, celui de la colère à peine maîtrisée. C'était dans notre studio à propos des billets d'avion pour Miami et lors de l'épisode Mike au Blue Velvet. Nos amis, quant à eux, découvrent Nathalie la guerrière et ils en sont bouche bée. Mais avec Nathalie, l'orage ne dure jamais. La passionnariat se calme très vite. S'adressant toujours à Sylvie, elle demande « Avez-vous contraint ce couple à des pratiques auxquelles ils se refusaient? Leur avez-vous manqué de respect? Les avez-vous humiliés ?» Les grands yeux verts de Sylvie sont lumineux de sincérité et de tendresse lorsqu'elle répond. « Grand Dieu, bien sûr que non. Nous étions tous les quatre plus que consentants et, si j'en avais l'occasion, je recommencerais sans hésiter. C'était très doux et c'était très beau. » Nathalie caresse la joue de son amie. « Vous connaissant un peu, je n'en doutais pas et... » Sylvie l'interrompt. « Nous avons quand même eu tort. Nous savions que c'était très imprudent de faire ça en Afrique. Je vous en ai déjà parlé. » Ici, nous sommes des poissons rouges dans un bocal. Rien de ce que nous faisons ne passe inaperçu. Elle a un sourire ému, sans doute un tendre souvenir de cette nuit d'amour. Cela fait des années que nous voyons régulièrement d'autres couples. C'était devenu moins fréquent depuis que nous étions au Tchad et nous attendions d'être en France pour reprendre nos escapades. Seulement voilà, ils étaient adorables et on a craqué. Elle porte la main à sa bouche et laisse parler son cœur. Oui, ça fait 10 ans que nous sommes ensemble. 4 ans que nous sommes mariés et un peu plus de 6 que nous rencontrons régulièrement des partenaires en couple ou célibataires dont nous trouvons les annonces dans le Nouvel Obs et d'autres périodiques. Le regard que Nathalie et moi échangeons ne lui a pas échappé. L'ombre d'une inquiétude passe sur son visage. Vous désapprouvez ce mode de rencontre ? Je remarque Bertrand l'air un peu gêné. J'adresse un clin d'œil à Nathalie qui m'interroge du regard. En langage rhine, ça signifie que je suis d'accord pour qu'elle leur fasse les confidences nécessaires afin de dissiper tout malentendu. Nathalie est un don du ciel. Son regard bleu, si doux, ses fossettes, son sourire et le ton de sa voix, où qu'elle aille, où qu'elle soit, elle crée de l'amour, comme les plantes de Bertrand créent de l'oxygène. Elle se rapproche de Sylvie, lui prend les deux mains. Cela fait 4 ans que vous êtes mariés et 6 que vous vivez des soirées avec d'autres partenaires. À son regard qui pétille, je sais que Nathalie l'espiègle n'est plus très loin. Là où jouait dans la petite cour, John et moi, nous ne nous connaissions que depuis un mois et demi et en plus, on l'a fait la nuit de la Saint-Valentin. Je crois que si Sylvie écarquille encore les yeux, ils vont lui tomber sur les genoux. Quant à Bertrand, plus un trait de son visage ne bouge. La bouche ouverte en un haut parfait, il est frappé de sidération. Pour les remettre en mode normal, Nathalie leur précise. Nous étions déjà très amoureux, mais cet épisode a décuplé les sentiments que nous ressentions l'un pour l'autre. Elle a comme une hésitation. En plus, nous avons fait une bonne action. Sylvie bafouille. Une bonne action. Nathalie resserre un verre de champagne à chacun, retourne s'asseoir près de son ami et fait un grand sourire à Bertrand qui est sur pilote automatique. Il en est encore à digérer l'info, Nathalie et moi, un autre couple, le soir de la Saint-Valentin. Sylvie a passé ce stade. À son petit air coquin, on devine qu'elle est en train d'imaginer Nathalie avec un autre homme. Elle avale coup sur coup plusieurs gorgées de champagne. « J'y crois pas. Vous avez répondu à une annonce du Nouvel Obs ?»« Non, c'était pendant notre voyage en Floride. » Et Nathalie leur raconte. Elle leur parle d'abord de l'annonce, de notre rencontre, de la rue d'Onou, et de notre détermination à ne vivre cette relation qu'en parallèle de nos vies respectives. Puis elle leur dit l'amour. L'amour qui, sans nous laisser aucune chance, nous prend au cœur et au ventre à la première seconde où nos regards se croisent. Nathalie continue le récit de notre relation. Barbizon, l'avenue Foch, Peter et nos rendez-vous quotidiens dans le studio qu'elle a loué près de l'ambassade. Elle en vient enfin à notre départ pour la Floride. Notre amour qui grandit chaque jour davantage. Le match de volley, sa blessure, notre départ pour les Keys et la rencontre miraculeuse avec Gabriel. Elle leur parle de la beauté de cet homme, de sa bonté et de sa générosité, de sa fragilité et de sa déchirure. Elle leur dit les circonstances abominables dans lesquelles un monstre l'a mis en pièces pour le simple plaisir de le voir souffrir. Nathalie maîtrise parfaitement le français et ses nuances, mais ce n'est pas sa langue maternelle. Comment fait-elle donc pour saisir son auditoire à bras-le-cœur ? Sylvie pioche de temps à autre dans la boîte de Kleenex plutôt destinée à maîtriser les débordements de chocolat qu'à essuyer une larme. Elle en vient au massage, à la guérison de sa jambe et à notre pulsion commune de ne pas laisser repartir seul cet homme blessé, avec la plaie ouverte de son âme. Elle s'interrompt un instant et resserre une tournée de champagne. Sylvie boit une gorgée, repose son verre. L'émotion est forte, sa main tremble. Mais tu nous as dit qu'il était impuissant à cause de ce que cette femme lui avait fait subir. Je prends le relais, le temps que Nathalie se réhydrate. Oui, il l'était. En dehors du cadre strictement professionnel, il ne supportait plus le moindre contact avec une femme. On comprend pourquoi. Sylvie est décidément très curieuse, mais dans le bon sens du terme. Elle veut comprendre comment un homme totalement détruit et impuissant depuis 2 ans peut soudainement avoir une relation sexuelle aboutie. Nathalie boit un peu de champagne et reprend la main. C'est lorsqu'il m'a massé au niveau de l'aine. Ses doigts ont un peu glissé et il m'a effleuré. Bien qu'il se soit détourné aussitôt, j'ai senti son érection contre mon bras. Elle ferme à demi les yeux comme si elle revivait l'instant. Je l'ai très nettement senti. J'en étais surprise et bouleversée, comme si grâce à moi il était ressuscité. Sylvie n'en croit pas ses oreilles, mais elle plaisante. Tu as un truc avec les hommes ou quoi? Je l'interromps un peu cavalièrement. Si tu avais vu Nathalie face à ce léopard l'autre jour, tu comprendrais mieux. Je suis sûr d'une chose, elle a le pouvoir de donner la vie à tout ce qu'elle touche. Regarde, il n'y a pas 5 mois j'étais mort et aujourd'hui je suis vivant. Ça a été pareil pour Gabriel. Les yeux de Nathalie me disent tout son amour. Elle poursuit son récit et nos amis vont vivre avec nous chaque instant de cette merveilleuse nuit avec Gabriel. Elle ne met rien de ces moments délicieux. Elle raconte même la dernière séquence au petit matin, sur le canapé du séjour, seule avec lui, afin qu'il se sache définitivement libéré de son démon. Nathalie termine et conclut par « Rien que d'y repenser, c'est toujours une immense joie. J'en ai des frissons d'amour. Ça a été une nuit magique. » Elle se tourne vers moi. Cette joie et ce bonheur que je partage avec John. Sylvie est vraiment très émue. Et vous l'avez revue? Non. Mais il nous a écrit pour nous dire que nous étions des anges venus le chercher en enfer. Aujourd'hui, tout va bien. Il a renoué quelques liens avec des amis perdus de vue. Sylvie est décidément d'une curiosité insatiable et Bertrand fronce les sourcils en signe de désapprobation. Et si tu en avais l'occasion, tu referais l'amour avec lui? Peut-être. J'aimerais beaucoup, je ne sais pas. Ça a été un vrai feu d'artifice. Il faudrait pouvoir retrouver l'ambiance de ce soir-là, sinon ça n'aurait aucun sens. Sylvie pose sa flûte vide pour applaudir. On dirait une gamine devant un sapin de Noël. Waouh, un feu d'artifice, pour un impuissant. Nathalie a l'air de beaucoup s'amuser. Elle est tout à fait à son aise. Après 2 ans d'abstinence, il était affamé et insatiable. Sylvie nous montre sa face coquine. Insatiable, genre qui ne s'arrête pas. Nathalie lui tapote la main. « Ta curiosité est aussi insatiable que sa libido. » Et tout aussi coquine que son amie, marque une pause. Je réagis à l'instinct et lance tout à trac. Je soupçonne Gabriel d'avoir utilisé des onguents de massage à base de poudre orange. Tout le monde s'ébrouille et rit. Nathalie se lève et disparaît dans la cuisine. Elle revient avec une autre bouteille de champagne frappée à point. On risque d'être légèrement pompette au moment d'aller dormir, qu'importe. C'est la dernière soirée à Sanara. Bertrand n'est pas un bavard, et il n'a certes pas beaucoup parlé, mais comme toujours, a écouté attentivement. Sa question est donc pesée. Nathalie, tout ce que tu viens de nous confier est très émouvant et surtout très intime. Pourquoi nous avoir tout révélé de ce moment de votre vie? Parce que c'est ce que vous avez fait avec nous. Oui, mais nous étions en situation de détresse, ce qui n'est pas votre cas. Nathalie lui décoche son sourire spécial tendresse. Alors, disons que c'est pour que nous soyons sur un pied d'égalité et que vous n'alliez surtout pas croire que vous êtes des extraterrestres du sexe ou je ne sais quel pervers. Sylvie en est outremuée. C'était un merveilleux hasard que vous ayez rencontré ce garçon tous les deux. Nathalie lui répond en souriant. Nous savons toutes deux que le hasard n'existe pas. Cette rencontre devait avoir lieu. Bertrand interroge. Selon toi, c'était donc écrit? Et le libre arbitre dans tout ça? Mais c'est moi qui spontanément lui réponds. De ce que j'ai retenu des explications de Nat sur le sujet, je crois pouvoir dire que ce n'est pas tout à fait aussi simple. Toute rencontre, ou plus simplement tout événement, est le produit de la conjonction d'autres événements qui eux-mêmes, etc., etc., et ce, jusqu'à l'événement initial il y a 15 milliards d'années. C'est en ce sens qu'il n'y a pas de hasard. Ensuite, à partir du moment où le vivant est apparu sur Terre, un autre facteur que les simples lois de la physique et de la chimie est intervenu, le libre arbitre. Si tant est que l'on puisse appeler libre arbitre la réaction d'une bactérie à son environnement. On peut donc considérer qu'un événement précis est le produit d'événements précédents et de la décision des individus qui y sont confrontés, et si j'ai bien retenu ma leçon, tout cela peut se mettre en équation. C'est ce que voulait dire Nat en disant qu'il n'y a pas de hasard. J'ai débité tout mon laïus d'une traite et mon dernier mot semble avoir figé Bertrand qui me regarde quelque peu hébété, la bouche à demi ouverte. Seules les deux femmes ont l'air de beaucoup s'amuser, en particulier Nathalie qui plie son nez et m'envoie un petit bisou du bout des lèvres. Je lis comme de la fierté dans son regard. Elle reprend la main et le fil de son propos. Avec Gabriel, une chose en a entraîné une autre. Il y a d'abord eu un courant de sympathie immédiate dès les premières minutes, puis l'intermède paramédical qui a vite pris un tour très érotique, compte tenu de la localisation de ma blessure. Ensuite sont venues la compassion et la tendresse avec le récit de son cauchemar parisien. Le désir s'est installé avec la leçon d'astronomie. C'était un mix de tous ses ressentis. Lorsque Gabriel est allé chercher son autre appareil photo, il ne nous a pas fallu 2 minutes pour décider que nous voulions passer la nuit avec lui, mais en lui laissant l'initiative. Nous parlons encore longtemps de cette nuit et les deux Valois nous font partager leurs escapades, dont leur préférée l'année dernière dans un magnifique village naturiste. La conversation est tellement prenante que nous ne voyons pas les heures passer. Tout à coup, Sylvie s'exclame. « Mon Dieu, il est 1 heure et vous décollez à 6 heures. Il faut vite aller dormir. » Aucun de nous n'a envie de redescendre du petit nuage où nous étions si bien. Sur ce nuage, dans ce monde où tout est beau et où le temps n'existe pas, les corps, les cœurs et les âmes se parlent et se caressent. Mais Sylvie a raison, il y a un temps pour tout. Bertrand et elle se lèvent et nous les raccompagnons vers la baie qui donne sur la terrasse, d'où l'on aperçoit leur maison. Au moment de faire la bise à Nathalie pour lui dire au revoir, Sylvie sursaute et s'exclame. « Mon Dieu, mais attendez, avec tout ça j'allais oublier, j'ai quelque chose pour vous. » Elle farfouille un instant dans son sac et retire une petite boîte emballée avec un ruban jaune et bleu. « Quelques sachets de la poudre de Michel, pour que vous pensiez à nous, de temps en temps. » Contre toute attente, Nathalie, à qui elle tend la boîte, n'esquisse aucun geste pour la saisir, mais lui fait son drôle de sourire, celui très spécial avec sa mimique chinoise. « Si tu veux que j'accepte cette boîte, il faudra que vous nous l'apportiez à Paris. » La voix de Bertrand se casse lorsqu'il demande. « Est-ce une invitation ? Qui pourrait résister aux fossettes et aux yeux chinois de Nathalie ? Pas plus Bertrand que Sylvie. « Je crois bien que oui. Une invitation à venir nous voir et à passer un week-end avec nous. Si, bien sûr, vous en avez envie. » Sylvie ne peut retenir un cri de joie. D'un seul élan, elle prend Nat dans ses bras et lui fait 2 gros bisous. « Si nous l'acceptons, mais c'est 1 million de fois oui, ma chérie. On vous aime tant tous les deux. Mon Dieu, quel bonheur. Vous êtes le couple le plus merveilleux que nous ayons jamais connu. » Et baissant à demi les yeux vers un regard en coin et un demi-sourire que je ne lui connaissais pas. « À bientôt, Jean. » Nous devrions arriver à Buéa dans un petit quart d'heure. Nathalie dort encore la tête sur mon épaule. Avec les rébans qui masquent son regard, impossible de savoir ce que pense James qui nous observe de temps à autre dans le rétroviseur. La circulation est toujours aussi démentielle et j'ai hâte d'arriver. Je m'attends chaque seconde à ce que nous soyons emboutis par un de ces fous furieux pour qui le code de la route reste une totale abstraction, une affaire de blanc. Cependant, en contradiction avec mon instinct de survie, mon plus profond désir est que cette route ne finisse jamais et que je puisse encore garder Nathalie dans mes bras de très, très longues heures. Le bonheur de la sentir abandonnée, détendue et confiante, juste parce que je la tiens contre moi, est au-delà des mots. Il va bien falloir pourtant que je la réveille. Nous abordons les premières maisons de la ville autrefois capitale du Cameroun, à l'époque de la colonisation allemande. Encore quelques minutes et nous contournons le centre-ville où trône le palais von Puttkamer, construit en 1905 par l'administration coloniale. C'est la seule construction à étages. Nous l'apercevons d'ailleurs sur notre droite, dépassant les autres maisons de sa masse imposante. La route, ou plutôt la piste, car il y a longtemps que nous avons quitté la portion goudronnée, fait encore un coude et nous entrons dans le parc de l'hôtel. Un magnifique jardin tropical avec de multiples essences d'arbres et d'arbustes. La tradition anglaise a laissé des traces, la pelouse de passepalum est taillée au millimètre. Je remercie le ciel que les propriétaires de l'hôtel, en plus de l'avoir entièrement restauré, l'aient doté de tout le confort moderne. Juché sur une petite colline et entouré de ces magnifiques jardins, l'ensemble paraît un peu hors du temps, et on ne peut que tomber sous le charme désuet de cette architecture coloniale. James manœuvre habilement et se gare juste au pied du large escalier menant à la terrasse couverte. Est-ce l'arrêt du véhicule qui réveille Nathalie ? À son regard un peu perdu, je vois qu'elle dormait profondément et que pendant une fraction de seconde, elle ne sait plus très bien où elle est. Elle s'étire en bâillant discrètement. « Je crois que j'ai dormi. Oh, aussi peu, à peine 2 heures. » Du bout des doigts, elle enlève un long cheveu blond pris dans ma barbe et s'étire encore une fois comme un chat qui sort de son panier. J'étais si bien. Ses grands yeux bleus m'amènent au pays des fées où elle était l'instant d'avant.